Il était une fois, il y a fort longtemps, juste à Pierre-Blanche, s'élevait une pauvre chaumière où vivait misérablement une famille de bûcherons. Le père, la mère et 7 enfants, dont l'aîné n'avait que 12 ans et le plus jeune 5. Mais il était si petit et si fluet qu'on l'appelait Petit Pousset. C'était un bambin aux boucles blondes et emmêlées, au visage barbouillé, malin et habile comme un singe. Toujours gai, toujours de bonne humeur, rien ne lui semblait impossible, bien que n'ayant pas toujours à manger, tant ses parents étaient pauvres. Bien souvent, il rentrait harassé par une dure journée de labeur et sans un sou pour acheter de quoi manger à leurs enfants. Petit Pousset et ses frères aidaient de leur mieux leurs pauvres parents, mais souvent inutilement. Or, un soir, tandis que leurs enfants étaient couchés, les parents tinrent conseil. « Écoute, bonne femme, dit le bûcheron, voici 3 jours que nos enfants n'ont rien mangé. Il faut nous en séparer. Je préfère les savoir dévorer par les loups que de les voir mourir de faim sous mes yeux. Demain, nous irons les perdre dans la forêt. » La pauvre bûcheronne pleurait, mais ne savait que dire. Elle savait bien que son mari avait raison. Mais Petit Pousset, ayant deviné à l'air soucieux de ses parents qu'il se passait quelque chose de grave, s'était dissimulé sous le tabouret de sa mère et avait tout entendu. Aussitôt, il se glisse dehors. La lune éclaire brillamment la misérable demeure. Ma bonne fée, implore Pousset, inspire-moi, viens à mon aide, ne nous abandonne pas. C'est alors que la fée fit briller de tout leur éclat les petits cailloux du sentier. Notre Pousset comprit que là était leur salut et se baissant, il emplit rapidement ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain, alors que le soleil n'était pas encore levé, les parents vinrent réveiller leurs enfants pour les emmener loin dans la forêt afin de ramasser des champignons. Ils partirent avec leurs petits paniers, les uns derrière les autres, emmitouflés dans leurs capuchons rapiécés, soufflant dans leurs mains engourdies pour les réchauffer, faisant claquer joyeusement leurs petits sabots sur le sol durci par le gel. Petit Pousset fermait la marche en semant ses petits cailloux. Ne connaissant pas leur triste sort, les petits frères chantaient joyeusement. Mais, en tête, le papa marchait tête basse et la maman pleurait doucement. Après avoir longtemps marché, la petite famille fit halte et tous se mirent en devoir de ramasser des champignons. « Maman, maman, regarde, nos paniers sont pleins !» crièrent bientôt 6 petites voix joyeuses. Pas de réponse. Ne voyant plus leurs parents, les bambins se mirent à pleurer, suppliant leur habile petit frère de leur venir en aide. « N'ayez crainte, mes frères, et suivez-moi, leur dit Petit Pousset. Je vais vous ramener à la maison. » Et tout confiant, les 6 garçonnets emboîtèrent le pas à leur jeune frère, qui, suivant les cailloux, ramena la petite troupe au logis, sans souci du froid, de la nuit, de la fatigue et des hurlements des loups affamés, marchant de toute la vitesse de leurs petites jambes. Chez eux, les pauvres bûcherons étaient bien tristes, ne pouvant manger les provisions achetées avec l'argent des champignons vendus au marché. Ils parlaient de leur cher petit, se maudissant de n'avoir pas attendu encore quelques jours, et pleuraient très fort. Qui peut venir si tard ? Dit la bûcheronne en s'essuyant les yeux. Mais sans attendre la réponse, la porte s'ouvre, poussée par 7 petites mains impatientes. Mes enfants, mes petits ! S'écrie le papa et la maman en serrant bien fort contre leur cœur, leurs enfants retrouvés. Le feu pétille joyeusement, maman a préparé un bon dîner. Dehors, le vent peut souffler rageusement, les loups hurler de faim. Comme on est bien et en sécurité avec papa et maman. Et parlant tous ensemble, les petits garçons racontent comment Pousset les a sauvés. Après quelques jours heureux, les mauvais jours revinrent et les pauvres bûcherons se résignèrent à nouveau à perdre leurs enfants. Mais Pousset était en éveil et chaque soir, il se tapissait sous le tabouret de sa maman pour surprendre la conversation. C'est ainsi qu'il apprit à nouveau qu'ils allaient être perdus. Il se précipita dehors afin de ramasser des cailloux. Mais hélas, les parents se méfiaient et avaient fermé la porte et caché la clé. Le petit Pousset passa la nuit sans dormir, à réfléchir aux moyens de sauver ses frères, implorant la bonne fée, mais en vain. Au moment de partir, la maman remit à chacun de ses 7 enfants un morceau de pain. C'est alors que Pousset eut l'idée de semer son pain le long du chemin, et bien qu'il eût très faim, il l'émietta. Alors qu'ils étaient bien occupés à travailler dans la forêt, les 7 petits garçons furent abandonnés par leurs malheureux parents. Dès qu'ils s'en aperçurent, les 6 frères implorèrent Pousset de les sauver. « Suivez-moi, frère !» Mais hélas, quel ne fut pas leur désespoir de constater qu'il ne restait plus une miette de pain. Les oiseaux avaient tout mangé. Mais Petit Pousset ne se désespérait pas et grimpant habilement au sommet d'un arbre, il explora la forêt. « J'ai aperçu une lumière! Mes frères, ne pleurez plus! Je vais vous y conduire !» Après une longue marche, la petite troupe arriva devant une grande maison où ils frappèrent timidement. Une brave femme vint ouvrir. « Je vous en supplie, madame, implora Pousset. Recueillez-nous pour la nuit, nous sommes perdus et nous avons très froid et très peur. » « C'est impossible, malheureux enfant, gémit la brave dame. Vous êtes ici à la maison de l'ogre. Il va rentrer de la chasse d'un moment à l'autre et s'il vous trouve, il vous mangera. » Mais Petit Pousset n'avait pas peur et il supplia tant la bonne dame que celle-ci, vaincue par la détresse des pauvres enfants, accepta de les cacher. Elle fit donc entrer les petits garçons et les poussa sous un grand lit, les suppliant de ne pas faire de bruit. Dans un autre grand lit voisin dormaient les 7 petites filles de l'ogre. Soudain, on entendit un pas très lourd faisant trembler la maison. « Voici l'ogre, mon mari !» murmura la pauvre femme, tremblante de peur. L'ogre était grand, gros. Il avait une barbe épaisse et de longs cheveux roux. Il était vêtu d'une immense cape rouge teinte du sang des bêtes qu'il venait de tuer. Sur ses épaules, il portait un chevreuil et un sanglier. Dans l'âtre, un mouton rôtissait. L'ogre n'en laissa que les os tant sa faim était grande. Il mangea aussi quelques poulets dont il fit une bouchée, but plusieurs cruchons de vin, mais, se levant subitement, il se dirigea d'une seule enjambée vers la chambre. Ça sent la chair fraîche ici, gronda-t-il, et se baissant vers le lit, il tira à lui les pauvres petits garçons, s'apprêtant à leur trancher la gorge. La pauvre femme qui assistait à ce spectacle supplia son mari d'épargner la vie de ses pauvres enfants. « Vois comme ils sont maigres et fatigués. Oui. Laisse-les reposer une nuit et donne-leur bien à manger. Bon. Ils seront bien meilleurs demain. Oui. » Elle pensait ainsi sauver les enfants encore une fois. « Tu as raison, femme. Donne-leur à manger. Je vais dormir un peu et les tuerai seulement demain à l'aube. » Quand ils eurent bien mangé et furent couchés, Petit Pousset se releva et tout doucement se dirigea vers le lit voisin où dormaient les filles de l'ogre. Il leur enleva leur couronne et les échangea contre son bonnet et ceux de ses frères. Au lever du jour, quand l'ogre arriva pour trancher les têtes des petits garçons, ils étaient déjà partis. Et, trompé par les bonnets sur les têtes de ses filles, il les tua d'un seul coup de son grand poignard. Puis retourna se coucher quelques heures. Pendant ce temps, Petit Poucet et ses frères se hâtaient, courant à travers la forêt à la recherche d'une cachette. Dès qu'il s'aperçut de la supercherie des petits garçons et qu'il trouva ses filles égorgées par lui, l'ogre entra dans une grande colère, enfila ses bottes qui, d'une seule enjambée, lui faisaient parcourir cet lieu. Il partit à la recherche de Poucet et de ses frères. Il grondait si fort que tous les arbres de la forêt en tremblaient. On aurait cru le tonnerre. Aussi, Poucet et ses frères furent avertis de son approche et se cachèrent dans une grotte. Exténué par sa longue course, l'ogre décida de s'arrêter une heure pour dormir. Aussitôt, Poucet sortit de sa cachette en priant ses frères de rester cachés jusqu'à son retour. Petit Poucet enleva les bottes de l'ogre, les ajusta à ses petites jambes, car comme elles étaient faites, elle pouvait convenir à toutes les jambes. En quelques enjambées, il fut arrivé à la maison de l'ogre et dit à la brave dame « Madame, votre mari vient d'être attaqué par des malfaiteurs qui l'ont enfermé dans une grotte. Il m'envoie à vous afin que vous me remettiez un grand sac d'or pour le sauver. Voyez, il m'a prêté ses bottes. » « Merci, brave petit garçon, lui dit la dame en lui remettant le sac. Et fais vite !» Petit Poucet se hâte vers la grotte où se trouvent ses frères. Il les enfouit dans les bottes et, parcourant la forêt, il arrive, grâce aux bottes magiques, à retrouver la maison de ses parents. Vous imaginez quelle fut la joie de tous. Les pauvres parents ne pouvaient croire à leur bonheur. Ils avaient retrouvé leur cher petit et ils étaient riches grâce au sac d'or de l'ogre. Depuis ce jour, ils vivent très heureux dans une jolie maison et ne souffre plus jamais de la faim.